Les compétitions sportives pour le prix Pectusan, ouvertes le 1er février, viennent d'être clôturées. Les joueurs du club de sport 25 avril se sont classés premiers dans les épreuves de basketball et volleyball masculin et féminin. La cérémonie de clôture a eu lieu le 27 au gymnase de basketball de la cité Chongchun à Pyongyang. Y ont pris part les cadres intéressés et les sportifs.